Deutéronome chapitre 34. Alors Moïse monta des campagnes de Moab sur la montagne de Nebo, au sommet de la colline qui est vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, depuis Galaad jusqu'à Dan, avec tout le pays de Nephtali, et le pays d'Éphraïm et de Manassé, et tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, et le Midi. Et la campagne de la plaine de Jéricho, la ville des palmes, jusqu'à Tsoar. Et l'Éternel lui dit, c'est ici le pays dont j'ai juré à Abraham, à Isaac, et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Ainsi Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là au pays de Moab, selon le commandement de l'Éternel. Et il l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor, et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à aujourd'hui. Or Moïse était âgé de 80 ans quand il mourut, sa vue n'était point diminuée, et sa vigueur n'était point passée. Et les enfants d'Israël pleurèrent Moïse 30 jours dans les campagnes de Moab, et ainsi les jours des pleurs du deuil de Moïse furent accomplis. Et Josué, fils de Nun, fut rempli de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains, et les enfants d'Israël lui obéirent, et firent ainsi que l'Éternel avait commandé à Moïse. Et il ne s'est jamais levé en Israël de prophète comme Moïse, qui ait connu l'Éternel face à face, selon tous les signes et les miracles que l'Éternel l'envoya faire au pays d'Égypte, devant Pharaon, et tous ses serviteurs, et tout son pays, selon toute cette main forte, et toutes ces grandes œuvres redoutables, que Moïse fit à la vue de tout Israël.